celle qu'on aime, celle qu'on n'aime pas. Celle qu'on paye, celle qu'on paye pas. Celle qui veut, celle qui veut pas. Celle qu'on raccompagne chez elle. Celle qu'on garde pour la vaisselle. Et puis surtout il y a celle. Nana. Celle qu'on voudrait rencontrer un jour. Celle qui pour moi porte un nom. Celle qu'on paye pas. Celle qui veut, celle qui veut pas.